Ginette. Ça, ça, ça. Maman. Source d'inspiration, mes potos contribuent à mon ascension. Toujours à mes petites sœurs pour pouvoir me couvrir. Mes conneries, je les regrette, dans ma tête, je les conspire. Un homme bouleversé, moi je baisse jamais les yeux. S'il m'arrive une galère, je m'en remets qu'à Dieu. Maman, je sais que tu me laisseras jamais tomber. À part si je meurs, je veux te voir te relever. Mon père avec, j'ai pu hériter des deux. Et pour ça, j'ai de la chance, j'en remercie le bon Dieu. Aigri, je le suis. Et c'est dû aux soucis, aujourd'hui je le dis, c'est mon père, mon sosie. La même affection pour mon père et ma mère. Aucune différence, chanter pour vous j'en suis fier. Désolé maman, je viens m'excuser en public. Remonter la pente, je t'aime et je le revendique. C'est vrai, tu m'as toujours bichonné. J'ai manqué de rien, même emprisonné. Un rayon de soleil, t'apparaît même au micro. T'es trop belle maman, pour toi j'élève le niveau. La vie c'est pas ça, demande conseil au daron. Il t'expliquera cela, il te dira le dicton. Respecte les choses et remets les choses dans l'ordre. Ça c'est mon nouveau son, et c'est comme ça que je l'aborde. Y'a trop de choses à faire, apprendre à parcourir. J'ai rien fait de ma vie, mis à parcourir. Le mitard j'y pense. Y'a rien de beau à voir, y compris leur gamelle. C'est vraiment des crevards, y'a que quand je chante que je prends un réel plaisir. Ou quand je taquine ma maman, je l'ai trop fait souffrir. Et crois pas quand je dis ça, qu'une seconde j'en rigole. C'est vrai j'ai trop d'humour, c'est vrai je suis un gogol. Toi, si ce morceau va te plaire, en tout cas pour moi, ce son c'est sincère. Seul Allah sait à l'avance la tournure qu'il va prendre. Si j'ai bien fait mon boulot, il va me le faire comprendre. J'arrive pas pourtant, obligé d'arrêter, poser mon stylo. Je suis pas un chanteur de variété, mais un son comme ça qu'on trouve pas tous les jours. Si tu cherches un chanteur, je suis en bas de ma tour. Je te fais pas la morale, ni même médiateur. Je parle en tant que bonhomme, pas en tant que rappeur. De nos jours c'est vrai que c'est dur à prendre soin de soi. C'est du rap pas de la variété. Chacun rentre chez soi. Je prends la vie comme elle est, sans poser de questions. Je veux grimper des sommets, grappiller des échelons. Souvent je pense et dans ma tête ça cogite. Et pour ça mon remède c'est de fumer du shit. Je suis fan de moi-même et quand je me sens pas bien, j'écoute pas du Nolwenn. Pas grand chose pour me consoler, mis à part la famille. Toujours là pour moi, ensemble pour la vie. Quelquefois c'est vrai, contre elle et moi c'est l'ulcère. Les Hemboulet mon frère, je suis pas atteint d'un cancer. Quand je vois certains enfants à l'hôpital, je me dis que j'ai raison, y'a de quoi perdre les pédales. C'est pour cela que je lâche rien, on est tous des poussières. Balayés de temps à autre, on est gardés au cimetière. Pense aussi aux frères et sœurs, enfermés au ballon. Y'a pas de quoi rougir, toute l'année faut du talon. C'est cruel la vie, mais c'est comme ça faut y faire. Juger seulement par Allah, par les assiettes c'est l'enfer. Comprends un petit peu et t'avanceras dans ta vie. Inch'Allah pour vous tous, je vous souhaite le paradis. Guinette, Sarah, featuring Guinette.